Avant de commencer, nous voulions vous dire que notre petite série, L'Aventure de Noël, vous est offerte par ribambelle.com, le site des activités en famille. Bon épisode! Les petites histoires de Telmi. L'aventure de Noël. La journée sans fin. Sous le ciel vert, consternation, désespoir et panique prennent d'assaut le cœur des habitants du domaine de Noël. Pomme, elle, garde son calme car elle a une idée. Il y a des années de cela, elle a installé un GPS sur le traîneau. Père Noël ne l'a jamais utilisé, mais elle ne l'a jamais enlevé. Elle s'assied devant son ordinateur et pianote frénétiquement devant une assemblée qui retient son souffle. Voilà, je l'ai localisé. Il se trouve au beau milieu de l'océan Pacifique, sur cette île déserte. C'est bien trop loin, et dans un coin bien trop chaud pour que les rennes les y amènent sur leur dos sans s'épuiser. Construire un nouveau véhicule, même avec tout le génie de Pomme, prendrait trop de temps. Alors qu'il se demande comment faire, une porte se dessine au milieu du garage, dont Papy Mocho sort aussitôt. Baya et Léo se jettent dans ses bras. Après qu'on lui a raconté les derniers rebondissements, le vieil homme se caresse la barbe pensif, puis se lève d'un bond. Un claquement de doigts, et il fait apparaître un magnifique miroir finement gravé. Il se tourne vers Baya. Aurais-tu la photo de mon frère ? Baya fouille dans son blouson et la lui tend. Papy Mocho sort l'autre moitié, rapproche les deux parties, souffle dessus et les voilà recollées. Il se plante ensuite devant le miroir, pose le cliché sur son cœur avant de murmurer quelques mots incompréhensibles. Soudain, les gravures se mettent à briller intensément et de cette lueur aveuglante naît une image qui ondoie à la surface. C'est une plage de sable fin. Au fond, se dessine une épaisse forêt. Sans un mot, le sorcier redonne la photo à Baya, plonge sa main dans l'image qui se trouble et l'aspire aussi sec. Le voilà de l'autre côté, leur faisant signe de le suivre. Baya entraîne Léo avec elle, suivi de Pomme et du Père Noël. Sur l'île, la chaleur est accablante. En un claquement de doigts, Papy Mocho les habille plus légèrement. Pomme consulte son détecteur. Le traîneau est au milieu de l'île. Il faut passer par cette forêt. Malgré les arbres gigantesques et foisonnants, le soleil filtre à travers les branchages. L'air est plus frais. Le bourdonnement des insectes et le chant des oiseaux rendent le début de leur expédition plutôt agréable. Mais très vite, la forêt se tait, la température baisse. Tous frissonnent. De froid ou de peur? Des craquements. Pas de brindilles, mais de branches. Devant eux, les arbres s'écartent violemment. Un ours en peluche gigantesque aux yeux verdâtres surgit. Il abat une patte rageuse sur le petit groupe qui n'a pas le temps de réagir. Alors que le coup aurait dû les pulvériser, tout le monde est sauf. Père Noël a stoppé l'attaque d'une main. Ho, ho, ho! Un jouet ne devrait pas faire de mal. Je m'en vais te donner une leçon, petit ourson. Soudain, des dizaines de jouets au regard mauvais bondissent des ombres. Oh, oh, oh, partez, je vais m'en occuper. Le reste de la troupe part tout droit, tourne à droite, à gauche, puis encore à droite et tombe sur un chemin dégagé qui s'enfonce vers le centre de l'île. Avant qu'il n'ait pu s'y engager, la terre tremble. Un robot taupe aux yeux verdâtres jaillit derrière eux. Pomme se frotte les mains. Parfait. J'ai toujours adoré démonter des trucs pour voir comment ils fonctionnent. Laissez-le-moi. Baya, Léo et Papy Mocho décampent sur le champ. Le chemin débouche sur une grande clairière verdoyante. Devant eux, une cabane tordue faite de rondins de bois mal coupés et de branchages. À côté, le traîneau. Ronchax sort de sa cahute impériale, dans une robe de sorcier d'un noir profond, un gros pendentif verdâtre autour du cou. Il applaudit les arrivants. « Bravo, les enfants! Vous m'avez retrouvé et vous m'avez ramené mon imbécile de frère. Vous vouliez me faire un cadeau, c'est ça ?» Le sorcier lâche un rire moqueur. La blague n'est pas au goût de Baya. « Vous allez remettre le temps en marche, sinon... » Ronchax lui jette un regard si noir qu'il lui cloue le bec. « Sinon quoi, petite? Je serai privée de cadeau ?» Papy Mocho essaie de le raisonner. « Allons, frérot, ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. On pourrait de nouveau fêter Noël ensemble, Qu'en dis-tu ? J'en dis que je ne veux pas. Après toutes ces années, j'ai enfin gâché Noël. Plus personne n'aura jamais de cadeau. Père Noël et Pomme débarquent, un peu amochés dans la clairière. La paupière de Ronchak se tressaute. Vous ! Vous osez venir sur mon île ? Vous n'êtes pas les bienvenus. Partez ! Une épaisse fumée verte entoure le sorcier. Une ombre gigantesque et menaçante se dessine. Un hurlement de colère l'a fait s'évaporer. Ce n'est plus le vieux sorcier osseux, mais un géant bavant, plein de pics et de poils qui fait face aux cinq héros. Joignant ses poings, il frappe le sol, créant une faille qui remonte jusqu'à Pomme et Père Noël. Ils bondissent de côté, et un serpent de glaise jaillit pour s'enrouler autour du monstre. C'est l'œuvre de Papy Mocho. Le reptile parvient à l'immobiliser, mais un instant seulement, car l'étreinte est brisée d'un mouvement d'épaule. Les coups pleuvent, les sorts fusent, rien n'y fait. Ronchak, c'est bien trop fort. Bientôt, le petit groupe est épuisé, caché derrière le traîneau, pris au piège. Le géant arme son poing pour mettre un terme au combat. Mais alors que tout est perdu, Baïa, porté par l'énergie du désespoir, brandit la photo de famille des sorciers comme un bouclier. Une lumière kaléidoscopique remplit tout l'espace. Le monstre est immobile, son corps s'effrite et devient poussière, laissant apparaître le vrai Ronchak, à genoux, en pleurs, bredouillant. « Tout ce que je voulais, c'était un joli cadeau !» Touché, Baïa et Léo lui font un câlin qui réchauffe son cœur gelé. Papy Mocho aide son frère à se relever et le serre dans ses bras. « Tu es parti bien trop longtemps, mon frère. Viens, rentrons. » Ronchak saisit son pendentif, puis prononce une formule d'une voix si grave qu'on la dirait sortie du fond des âges. La lueur verdâtre s'éteint. Le ciel scintille. D'un coup, le temps reprend son cours. Le lendemain, le soleil se lève un peu tard. Léo, Baïa, Papy Mocho, Ronchak et l'équipe du Père Noël se réveillent tous avec un large sourire car, ils en sont certains, ce soir sera une des plus belles soirées de Noël de toute leur vie. C'était le dernier épisode de l'aventure de Noël. À bientôt pour de nouvelles histoires.